Cela dit, si vous jouez bien vite, si vous jouez bien tout de suite, ça ira très vite. Hein. D'accord. C'est l'affaire de 5 minutes si tout va bien. Alors déjà, on va commencer par... Oui. Bah, en fait, c'est la partie improvisation. C'est quand vous jouez tous par coup. D'accord. Donc, normalement, il y a 3 solos. Comment ? Ouais, bien sûr. Alors, les flûtes, vous avez quoi comme... A, B, D, E, A, B, c'est ça ? A, B, D, E, A, B. Quelqu'un qui peut me prêter un pupitre, là ? Juste vite fait. Je le rends après, hein. Ça sera vous. A, B, D. A, B. Alors, la A. À vous. 1, 2, 3, et... C'est un Ré bémol. Si, si, si, si, Ré, Ré, si. Ré bémol ou Do dièse. Encore une fois. 1, 2, 3, et... Sinon on entend tout de suite le truc qui va pas. Il y a que le petit doigt. Le solo entier s'il vous plaît. Donc les 6 phrases enchaînées. 1, 2, que les flûtes. 2, 3, et... Personne jouait de la flûte comme ça. Hein. D'accord. Les clarinettes, excusez-moi, je vous rends votre partition. C, D, E, F, G, I. Vous n'êtes pas foulé, vous, en termes d'ordre. Ça va être plus facile à faire. Directement. Je vous les rappelle pas, les lettres, si vous voulez. Vous voulez que je vous les rejoue, les lettres, ou pas? C'est bon, allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, et... Saxophone. Saxophone, vous, c'est quoi, vous? A, B, C, D, E, F. Oh là, encore pire. On sent que ça a bossé là-bas. 1, 2, A, 2, 3, et... Hey! avez toujours des problèmes avec les ré bémol. Je sais pas pourquoi, il vous plaît pas cette note. Parce que si vous faites un ré bémol et à côté votre voisin ou votre voisine fait un ré, ça fait ce qu'on appelle une vieille dissonance. D'accord ? Et ça fait mal aux oreilles. Et on l'entend, même si on n'est pas musicien. Ok ? Et clarinette, sans Julien. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, et... Ouais, c'est bien. Toujours bien ensemble. Et les saxophones sans Fred. 1, 2, 3, et... C'est pas ouf quand même, hein. D'accord, il y a des phrases où on n'est pas d'accord sur les notes. On va faire flûte, clarinette et saxophone enchaîné. D'accord ? Sans les profs, toujours sans les profs. Allez, 1, 2, et 1, 2, 3, et... Pas un rire, un ré bémol. 1, 2, 3, et... C'est moins moche que tout à l'heure. D'accord ? Faites-moi la lettre A. 1, 2, 3, et... Encore ? 1, 2, 3, et... Ouais, c'est mieux. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui faisait pas la bonne note, c'est sûr. Hein, oui, on est d'accord. Ok, ça marche. Alors, pourquoi on a joué ça? Parce que la semaine prochaine, vous allez jouer à Lens. À Lens, oui. Et les profs, a priori, ne seront pas là. C'est le cas. Voilà. Donc, il va falloir vous assurer tout seul. D'accord? Donc, il faut connaître ces partitions, il faut savoir ce qu'on doit jouer. Là, c'est qu'une petite partie, hein. Je vais savoir jouer tout le reste. D'accord ? Fred, tu seras pas là non plus. Hein. Sophie non plus. C'est à quelle heure ? Et le concert est à 19h. C'est vous qui vont à 19h ou... Je sais pas. Je vois le programme. Bon, de toute façon, ce sera entre 10 à 20h, ça sera fini. Si c'est comme au Méridien, c'est fini. Donc voilà, je vous donnerai la liste. Non, on rentre pas vers minuit. Hein. On rentrera à 22h. Je vous donnerai la liste de, des élèves qui seront à Lens. D'accord. Pourquoi tu dis que t'es pas là, Kali? Comment? Non, mais pour pas venir, il faut avoir une excuse. Peut-être que t'en as une. Hein. Non. Je rappelle que ne pas vouloir venir, c'est pas une excuse. D'accord. Voilà, faut avoir une excuse valable. On partira combien de temps? Ah, on part à 15h30. On rentre à 22h. D'accord. 15h30, on va jusqu'à Lens. On répète. 19h concert. 20h30, on redémarre et on rentre à Dakar. Ça va? J'ai pas donné de liste encore. Ok, ça marche pour vous? Dernière chose avant qu'on rentre mal.